La Kerme s'arrête là pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne suite de journée. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la drogue. On avait le monopole de l'opium. L'État vendait de l'opium aux Indochinois. Ça a été comme ça jusqu'à 1945. Conquête, guerre et lendemain qui déchante, une histoire en croissance. Jusqu'au début du XXe siècle, tous les produits étaient en circulation légale dans tous les pays. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Quand vous stoppez une offre d'opiacés sur un territoire, les gens qui sont dépendants aux opiacés, ils en cherchent des opiacés parce qu'ils n'ont pas le choix. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume Sudéry, je suis anthropologue de formation. Je travaille dans la santé publique, puisque je suis directeur d'un observatoire régional de la santé et d'un CREAIS, un dispositif en France qui s'occupe de toutes les personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai travaillé sur l'observation du phénomène des drogues en France depuis une quinzaine d'années. Et donc, c'est peut-être à ce titre-là que vous m'interrogez aujourd'hui. Alors, ça suppose des enquêtes. On a besoin de comprendre, de découvrir avec vous, Guillaume Sudéry, comment elles se pratiquent, ces enquêtes-là. Alors, les enquêtes sur les drogues, c'est des enquêtes qui sont de deux ordres. Vous avez un grand phénomène épidémiologique qui est le tabac, l'alcool et le cannabis, qui fait que quand vous interrogez les gens par voie de sondage, avec tous les biais en lien avec les niveaux de réponse, vous avez tellement de gens qui sont concernés que vous avez des données épidémiologiques et chiffrées qui vous donnent, qui vous décrivent le phénomène. Voilà. On sait que, par exemple, en France, 90% des personnes ont consommé de l'alcool ou sont consommateurs d'alcool, que la cannabis, ça concerne autour d'une quinzaine de pourcents des adolescents et qu'il y a 30% de fumeurs de tabac. Et puis, sur les phénomènes beaucoup plus petits, et c'est sur ça où je suis peut-être un peu plus spécialiste, c'est grâce aux enquêtes sociologiques, anthropologiques et, moi, plutôt ethnologiques, que l'on travaille dans la rencontre avec les personnes concernées elles-mêmes, qui sont celles qui en savent le plus, c'est celles qui nous apprennent le plus, et qui, grâce à un suivi depuis 20 ans d'un dispositif qui s'appelle dispositif TREND, dispositif français. T-R-E-N-D. Absolument. Qui est un dispositif français sur 8 villes en France. On suit le phénomène chaque année, et donc on produit une ethnographie continue sur le phénomène, et puis on interroge tous les gens qui sont concernés, c'est-à-dire les personnes concernées par l'usage, les gens qui accompagnent les personnes qui sont usagères de drogue, ceux qui les soignent, et puis aussi ceux qui les mettent en prison. Puisque, pour une part, les drogues sont illégales, et voilà. Donc on interroge à la fois les policiers, les soignants, le procureur de la République, et les usagers eux-mêmes. Donc c'est assez passionnant de voir comment, à un moment donné, sur un phénomène qui est social au départ, alors c'est biopsychosocial, hein, c'est pas que social, parce que la biologie rentre en jeu beaucoup sur la question des drogues. Enfin, de la consommation de produits. Et on voit bien comment tous ces gens qui sont concernés, parfois, ne se connaissent pas, et pour autant, produisent de l'information assez similaire. Et c'est ça, dans la triangulation de ces informations-là, que l'on a des résultats assez concrets sur le phénomène. Sur la question des entretiens, comment sont-ils menés? Et puis, on peut largement imaginer que autant certains vers lesquels vous vous tournez vont relativement spontanément ou peut-être pas vous livrer des informations, autant d'autres acteurs vont peut-être se montrer quelque peu plus prudents ou mesurés dans leurs réponses. Oui, bien sûr, c'est le jeu. Le jeu de l'ethnographie, c'est ça. Mais l'ethnographie, c'est pas un truc propre aux drogues, c'est un truc propre à l'anthropologie. C'est quand Malinowski, il va voir les Argonautes, il va rencontrer les populations de ces villages et il apprend à connaître leurs us et coutumes. Alors, sur les drogues, c'est un peu différent. Mais on a besoin de médiateurs, on a besoin de passeurs. Et puis, il y a un phénomène très, très, très intéressant, à mon avis, sociologiquement à travailler, voire anthropologiquement à travailler. C'est qu'on s'aperçoit que toutes les populations stigmatisées, toutes les patients mis sous pression de la société, grosso modo, les toxicos, les fous, les prostituées, les gens malades. Mais tout d'un coup, quand on diminue la symétrie dans la relation et qu'on leur dit, qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène? Vous, donnez-nous votre expertise. Ben, tout d'un coup, ils la donnent. Parce qu'en fait, ce sont des gens responsables. Alors, c'est sûr, ils ont des pratiques et des comportements sociaux qui sont atypiques, qui sont hors norme d'une norme qui a été construite historiquement, on pourra y revenir, c'est-à-dire que la légalisation des drogues, elle s'est faite au tout début du XXe siècle, hein, c'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, tous les produits étaient en circulation légale dans tous les pays. Et donc, finalement, ces populations stigmatisées, dès que vous leur donnez la parole, eh ben, elles l'apprennent. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est sur ça qu'on travaille. Hein. Les travaux sur le VIH dans les années 90 avaient déjà montré ça. Sur les usages des drogues, ça le montrait bien. Moi, je travaille beaucoup en santé mentale aujourd'hui. On le voit très bien. Des gens qui entendent des voix, ben, ils arrivent à vous expliquer ce qui se passe pour eux, comment ils se rétablissent, comment ils gèrent ça, leur relation avec leurs soignants. Et nous, dans notre institution, là, au CRAI, au RS, on travaille beaucoup sur la parole des personnes concernées. Soit par du fait de leur vulnérabilité ou leur problématique de santé. Donc c'est quelque chose qu'on sait à peu près faire. Et en plus, comme on le fait dans la durée, bah finalement, on arrive à construire des liens et on est reconnu comme tel, comme ne pas galvauder la parole. Et donc, de fait, ça marche plutôt pas trop mal. Ouais. Prenons un exemple peut-être concret auquel vous avez pu être... auquel vous avez pu participer, un entretien que vous auriez en mémoire et qui vous aurait peut-être particulièrement marqué, notamment par le degré de lucidité, de la connaissance à la fois du terrain et puis des actes de la personne concernée. Est-ce que vous auriez quelque chose en tête qui nous permettrait peut-être de bien mesurer? En 15 ans de travail... Ou si vous me demandiez la question pour les interviews, je serais bien embarrassé. Des centaines d'entretiens, c'est difficile, mais je pense que je vous dirais tous, en fait. Parce qu'en fait, ils donnent leur point de vue sur leur propre pratique. Donc, de fait, ils ont un regard éclairé sur leur propre pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur la position politique ou sanitaire. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Ils informent. En tout cas, ils informent. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Par exemple, discuter avec des jeunes j'ai fait un dernier travail là ethnographique dans le quartier du Mirail à Toulouse, qui est un quartier sensible où vraiment il y a un gros trafic qui s'est criminalisé. Quand vous parlez avec les jeunes qui sont en bas des immeubles, c'est difficile d'accéder jusqu'à eux. Mais si vous avez la chance d'accéder jusqu'à eux, ils vous disent clairement les choses. Moi, je vis on est 8 dans mon T2, donc mon espace de vie, mon habitat, mon habité, c'est dehors. Je gagne rien. Et là, on me propose de gagner de l'argent, certes en prenant un risque, mais qui est finalement minime. Et puis, mes voies d'affiliation, elles sont pas si faciles que ça. J'habite dans un quartier qui est stigmatisé. Dès que je sors du quartier, déjà, j'en sors pas trop parce que j'ai un peu peur et que la communauté me tient au sens positif du terme, structure mon identité sociale. Bon, à partir de là, voilà. Et donc, ça crée des trajectoires. Et quand vous discutez avec ce jeune-là qui a 18 ans, qui sort de prison... Quand vous le regardez de loin, vous avez l'impression qu'il est inadapté socialement. Mais non, il est dans quelque chose qui est tout à fait logique dans la forme de pensée qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il a raison de faire du trafic de drogue. Mais en tout cas, on ne devient pas trafiquant de drogue comme ça du jour au lendemain parce qu'on se dit « si je devenais riche, quoi ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais là, quand on pose l'expression « trafiquant de drogue », on est sur une échelle qui est de quel ordre d'un trafic de quartier, de quelque chose qui a déjà de la conséquence économique. C'est quelque chose qui a de la conséquence économique. Là, quand je vous parle de cette situation-là, c'est sur une barre d'immeuble où ils font 30 000 euros au jour de chiffre. 30 000 par jour. Ouais, le chiffre d'affaires, ouais. C'est du cannabis. C'est ce qui rapporte le plus, hein, dans le quartier, dans les. Alors, paradoxalement, la cocaïne au gramme coûte plus cher que le cannabis, mais le volume est tel. Je vous rappelle que 17 millions de jeunes Français ont expérimenté une fois du cannabis. C'est colossal. Il n'y a jamais eu autant de cannabis en Occident, pour dire les choses. Le cas de la France, mais comme je connais les données européennes, c'est pareil qu'aujourd'hui. Ça, je l'ai effectivement repéré dans vos lignes, Guillaume Sudéry. Vous l'expliquez et vous nous l'expliquez en même temps, cet accroissement-là. Ah bah, c'est l'offre qui a rencontré une demande. En fait, quand vous produisez du cannabis... Aujourd'hui, la production de cannabis, elle est autant dans le Rif marocain ou dans les pays du Moyen-Orient que en France ou en Suisse. Parce qu'on produit son propre cannabis aujourd'hui. C'est-à-dire que les productions du placard, c'est-à-dire vous faites pousser chez vous votre pied de cannabis, qui progressivement, bon, mais finalement, vous avez une pièce dédiée pour le cannabis. Puis progressivement, vous vous dites, bon, ben, c'est pas mal quand même cette affaire, je veux avoir un appartement dédié au cannabis. Mais finalement, ça produit du cannabis. Et puis avant, de l'herbe de cannabis en Occident, en Europe, vous n'en aviez que du mois d'août au mois de d'octobre par rapport à la production extérieure qu'on pouvait produire à côté de Neuchâtel ou au fin fond de l'Ariège par chez moi. Aujourd'hui, vous pouvez produire 4 fois par an grâce à des techniques d'hydroponie et de production indoor du cannabis, de l'herbe de cannabis. Hydroponie, c'est-à-dire que vous plantez pas, c'est comme les tomates, le cannabis. Vous plantez pas les pieds dans de la terre, elles sont imbibées dans de l'eau. Voilà. Alors je suis pas un expert, hein, il faudrait demander à des gens qui sont plus sérieux que moi sur les techniques, mais voilà, donc c'est des techniques particulières pour pouvoir faire avoir une production plus forte avec des graines de production qui produisent du cannabis plus concentré, parce que ça c'est une réalité, hein, c'est-à-dire que depuis 5-6 ans... Augmentation des taux. Les taux de THC ont doublé, voire triplé, en tout cas en France. Je connais pas la situation suisse, mais en France c'est clair, mais je vois pas pourquoi en Suisse ça serait différent. J'ai pas les données européennes là, mais c'est facile à regarder sur l'Observatoire européen des drogues. Il y a ces données-là, j'ai pas regardé, mais je pourrais vous les transmettre. Donc on a une vraie augmentation. Et puis on a surtout, avant on avait que de la résine de cannabis en circulation, maintenant on a autant de résine que d'herbe. Parce qu'il y a une production locale et parce que, plus particulièrement au Maroc, la transformation de la production a généré des produits plus concentrés. Mais si l'on peut, si chacun peut produire sa propre récolte, a priori le marché devrait s'écrouler. Oui, mais c'est pas, il faut faire attention entre le n'importe qui et le tout le monde. Le n'importe qui, c'est que vous et moi, si on s'y met, on pourrait arriver. Mais c'est pas tout le monde, parce que tout le monde ne va pas rentrer dans cette démarche-là. Prendre des drogues, c'est pas tout le monde qui va le faire. C'est dans des espaces de socialisation. La consommation de produits, c'est d'abord du plaisir. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est vraiment le plaisir. Et cette consommation-là, elle va faire que, à un moment donné, on va s'inscrire ou pas dans du trafic et de la revente. On va s'inscrire ou pas dans de la production de cannabis en particulier. Parce qu'il y a d'autres produits qu'on arrive à produire en France, mais c'est quand même plus anecdotique. Les amphétamines, mais c'est plus anecdotique. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. On peut le faire, mais tout le monde ne va pas le faire. Par exemple, quand vous regardez les nouveaux produits de synthèse, ces fameux produits qui sont pas classés stupéfiants, qui sont accessibles sur Internet, tout ça, ça marche pas en France. Peut-être qu'en Suisse, ça marche un petit peu plus, parce que l'accès aux drogues dites traditionnelles est moins facilité. Par exemple, les cannabinoïdes de synthèse, je sais que dans l'Est de l'Europe, où il y a moins de trafic de cannabis princeps, on a plus ces cannabinoïdes de synthèse. Pour compenser un peu, même si c'est pas tout à fait la même chose comme du qu'avaient les usagers. Mais vous regardez, ça marche pas, parce qu'en fait, il y a quelque chose du côté de la socialisation et de l'affiliation au produit qui fait que, quand vous fumez du cannabis, vous ne faites pas que l'acte de fumer du cannabis, vous rentrez dans une socialisation autour du cannabis. Et le premier qui a écrit ça, c'est Howard Becker, un sociologue qui avait de l'école de Chicago, qui avait travaillé sur les jazzmen dans les années 30, et qui nous montre comment, à un moment donné, on devient usager de cannabis. On ne naît pas usager, on le devient, comme Simone de Beauvoir. Mais vraiment, sincèrement, c'est ça. Et ce qui se passe en France, c'est que on devient très rapidement usager d'alcool. Parce que c'est ça le premier problème. Hein. En France, 60% des enfants qui rentrent en sixième ont déjà une consommation d'alcool. Vous avez évoqué la notion biologique. Oui. Alors, dites-nous en plus, Guillaume Sudéry. La biologie, la consommation de produits, c'est la rencontre entre une personne, un produit, dans un environnement particulier. Donc, ce produit-là, il peut être différent, que ce soit le cannabis ou la cocaïne, c'est assez facile à comprendre. Le contexte, c'est assez facile aussi à comprendre. C'est quand un jeune adolescent fume du cannabis à la sortie du collège avec ses copains, et le fait qu'il fume du cannabis le soir avant de s'endormir, c'est le même cannabis, c'est le même adolescent, mais c'est pas la même chose. Et puis la biologie, elle vient là. Elle vient là parce que nous sommes tous différents dans la relation que l'on va avoir au produit au niveau biologique. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Parce que c'est pas parce que quelqu'un gère bien son cannabis ou son alcool ou sa cocaïne que son copain à côté qui prend le même produit dans le même contexte va bien le gérer. Et ça, on est tous très différents. Alors, il y a des choses très factuelles, le poids, l'âge, l'expérience avec le produit. Mais il y a aussi des choses qu'on explique un peu moins, le fonctionnement du cerveau. Où là, on peut avoir, par exemple, sur des gens qui ont tendance à avoir des fragilités au niveau psychique, l'usage de certains produits peut accélérer ça ou peut les déclencher. Les drogues rendent pas fous, mais ça améliore pas les affaires, quoi. Voilà. Donc, cette notion biologique, elle est très importante à avoir en tête parce que ce n'est pas que du social. C'est vraiment la triangulation entre la question psychique, la question biologique et la question sociale. C'est le centre de l'anthropologie, quoi. Guillaume Sudéry, vous avez évoqué Toulouse. Toulouse, c'est pas n'importe où, c'est sur une route importante, d'ailleurs que le cinéma a largement eu l'occasion d'exploiter, ou peut-être aussi les séries, au travers des go-fast, c'est-à-dire ces convois extrêmement rapides qui trimballent la marchandise depuis le Maroc, l'extrême sud de l'Espagne, jusque, on va dire, le pôle Nord. En quoi cet espace-là était pour vous particulièrement un très bon terrain d'étude? Bah, Toulouse, c'est une ville, c'est une métropole encore à taille humaine, mais c'est quand même une grosse métropole. C'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est pas Genève. Donc c'est une ville dans laquelle vous pouvez facilement faire des enquêtes de cette dimension-là. Donc ça c'est une ville qui est à la fois pas transfrontalière au sens de Lille, de Metz, de Genève encore une fois, où là il y a vraiment des migrations permanentes entre les populations d'un pays et d'un autre. Mais par contre Toulouse c'est une ville transfrontalière au sens sociologique et familial du terme. Moi ma grand-mère allait chercher son beurre et son Ricard. En Espagne, c'est la tradition, c'est comme ça. Et donc, en fait, il y a des fonctionnements transfrontaliers. Moins cher. Beaucoup moins cher. Et puis, Toulouse, c'est juste après Perpignan, finalement, dans la trajectoire de l'autoroute. Et Perpignan, le Pertus, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus gros trafic, la plus grosse remontée de produits via l'Espagne. Puisque l'Espagne, quand même, en Europe, c'est vraiment le pays où on a des plateformes de grossistes et de semi-grossistes importants. Grosso modo, en Europe, vous avez l'Espagne et vous avez Rotterdam, quoi. Oui, j'ai été très surpris de ça parce que je m'attendais un peu à ce que l'Italie soit largement devant tout le monde. Et puis non, je découvre que l'Espagne... L'Espagne ne pénalisait pas les drogues jusqu'au milieu des années 80. Après Franco, en fait, ils ont tout dépénalisé. Et donc c'est là, à ce moment-là, où des trafics se sont inscrits. Ils se sont inscrits historiquement en lien avec la proximité du Maroc, parce que le Maroc est un des plus gros producteurs de cannabis au monde. Et donc ça a donné cette place-là avec une régulation, c'est le terme qu'il faut utiliser, une régulation des drogues qui est très différente de celle de la France, même si au niveau des comportements ça joue jamais. Hein. Les cannabis social clubs, enfin voilà, on a tout ça et on a quand même historiquement beaucoup de trafics qui sont en lien avec l'Espagne et particulièrement quand on est dans le sud de la France. Voilà. Mais la Suisse n'est pas épargnée, hein. C'est un lieu qui est au centre de trafic parce qu'il y a des liens étroits entre les Balkans et la Suisse, je crois, historiquement, des liens familiaux qui existent. Et en fait, ces affaires de trafic, c'est des affaires de famille, hein. C'est des affaires de famille, en fait. Hein. C'est des liens, voilà. Et quand vous regardez Narcos, en fait... Vous voyez la série qui relate à la fois et la vie et les œuvres d'Escobar, puis du cartel de Cali, puis ouais. Enfin le cartel de Guadalajara au Mexique. Ça vous dit beaucoup de choses sur comment s'organisent les trafics, sur la confiance, sur la relation et sur l'importante logistique qui existe. Et voilà, en fait, pour faire du trafic, il faut à un moment donné stocker. L'Espagne est une base arrière importante. Alors. Pour le sud-est, sud-ouest de la France et même un peu le sud-est, c'est vrai que la Catalogne est un endroit où on peut avoir des bases arrières importantes, mais qui descendent quand même jusqu'à Séville, hein, en Espagne, c'est ça. Et alors après, sur la situation sur le nord de l'Europe, hein, c'est plutôt Rotterdam qui est un port, puisque finalement ça arrive de partout en fait. Hein. La guerre contre les drogues est perdue depuis longtemps. Trafic de drogue. Comment les humains choisissent-ils leur drogue? C'est un article que vous avez rédigé, Guillaume Sudéry, dont j'aimerais lire aux auditeurs quelques lignes. Les humains ont depuis toujours utilisé les psychotropes. Un regard transversal concernant leurs usages dans les monographies anthropologiques indique que trois fonctions principales sont bien identifiées. Les fonctions thérapeutiques et chamaniques, parfois mêlées, sont décrites dans les sociétés traditionnelles et contemporaines. La fonction sociale, à l'origine du lien entre les membres d'une société, est aussi une sorte d'invariant. À la fin du XVIIIe siècle, la transformation des usages à l'échelle individuelle génère une quatrième fonction, subjective, qui n'est ni plus ni moins que la naissance de l'usage de drogue contemporain autour du modèle des opiacés et de la dichotomie plaisir-souffrance. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on a l'impression que, au-delà de cette tendance historique longue, avec ses invariants, on passe, après coup, à des mutations contemporaines brèves. Absolument. Absolument. Ehrenberg l'a dit le premier, dans les années 90, le culte de la performance. Jusqu'à présent, les drogues, on les consommait soit pour se soigner, soit pour discuter avec les dieux. Voilà, les drogues chamaniques, quand vous pensez que vos dieux sont des petits cochons, manger des hallucinogènes, ça permet de mieux communiquer avec eux. Vous avez une troisième fonction qu'on appelle sociale, mais qui est en fait l'apéro, hein. C'est-à-dire que l'apéro au néolithique ou l'apéro, alors au néolithique, peut-être que je vais un peu loin, mais 2 à 3 000 ans avant notre ère, on avait des socialisations plutôt masculine autour de la consommation de psychotropes. Ça, on a des traces historiques assez claires. La fonction subjective, c'est là où tout d'un coup, on ne consomme plus dans le collectif et dans le social pour des fonctions spécifiques de soigner, de parler avec les dieux ou dans le collectif, mais pour soi, juste pour soi. Et c'est là où apparaît le plaisir. Pourquoi apparaît le plaisir? Parce que c'est à ce moment-là que les drogues deviennent efficaces au niveau de la modification de l'état de conscience. C'est-à-dire qu'avant, entre manger 500 grammes de feuilles de coca et sniffer un demi-gramme de cocaïne, c'est à peu près le même niveau d'alcaloïde que vous avez dans le sang, mais c'est plus rapide et c'est plus efficace. Et c'est ça qui va transformer la relation à l'usage, c'est que tout d'un coup, vous allez avoir des drogues efficaces qui vont modifier l'état de conscience très rapidement, qui vont générer un plaisir très puissant, avec, c'est sûr, après, un craving très fort. Et puis, ces grands phénomènes qui sont toujours d'actualité, pour moi, dans les drogues, il y a cette notion de performance. Et ça change quand même pas mal la donne, parce qu'on ne prend plus des drogues pour être, pour s'exclure du social, comme les questions subjectives. De Kinsey nous l'avait montré, c'est que quand on est défoncé, on n'est plus dans le social. Les paradis artificiels de Baudelaire, on n'est plus dans le social. Que là, on est dans le social avec les drogues. Alors, la caricature, c'est l'usager de cocaïne, VRP, qui prend de la cocaïne pour travailler. Mais ça, c'est la caricature. Mais globalement, on s'aperçoit que quand on fait des observations dans notre dispositif de recherche sur les festivals électro, les jeunes, ils vont prendre une Ecsta à tel moment pour être le plus positif possible dans leur recherche. Plus en phase. Le plus en phase possible, à tel moment. Donc, il y a une maîtrise totale de la consommation. Un usager de drogue à la rue en grande difficulté, ben, il va prendre un produit le matin pour se réveiller, il va prendre un peu d'amphète pour aller faire la manche, il va aller fumer un peu de pétard parce que c'est le bazar dans sa vie sociale aujourd'hui, il y a de la pression, tout ça, il va un peu décompresser. Puis le soir, il va s'enivrer d'alcool au maximum avec des médicaments parce que pour dormir dehors, il faut vraiment s'anesthésier, quoi. Et vous voyez que chaque consommation est un outillage du quotidien, quoi. Et ça change, parce que si à un moment donné on voyait les gens s'exclure et donc on pouvait les repérer et on pouvait tenter de les accompagner s'ils le souhaitaient, là, quand vous prenez des drogues pour être inclus, comment on fait pour distinguer ceux qui sont sous-produits et qui sont heureux, ceux qui sont sous-produits et qui ont besoin d'aide, et ceux qui sont pas sous-produits et qui sont très bien aussi. Et donc ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans la prévention et dans le repérage des personnes en difficulté. J'ai été surpris de lire cette ligne-là. La figure du toxicomane, écrivez-vous, du toxicomane de rue, injecteur d'héroïne, est loin derrière nous. Mais alors, qu'est-ce qui la remplace aujourd'hui? Oh, ben, alors ça dépend des situations, mais en France, c'est la polytoxicomanie. C'est la polytoxicomanie et il y a. Moi, c'est le café. Oui, mais alors c'est pas pareil. C'est pas pareil. La polytoxicomanie, c'est de l'alcool, les médicaments psychotropes, la buprénorphine au dosage, qui est un substitutif qui a été mis en place en France. Alors, en Suisse, c'est peu répandu. Je pense que vous êtes plutôt sur une politique autour de la méthadone. C'est un médicament prescrit par les médecins généralistes qui, pour un grand nombre de personnes, les deux tiers des personnes qui ont été concernées, les a soignées véritablement et les a accompagnées, mais qui, pour d'autres, ont été le premier consommation d'opiacés. Serge Esco, qui est un ami et qui travaille beaucoup sur ces questions-là, a démontré comment le Subutex pouvait être à la fois un médicament, pensé comme un médicament dans la société, mais pouvait être pensé aussi et utilisé comme une drogue, au sens anthropologique du terme, par nombre d'usagers. Et par exemple, il a démontré, c'est un des premiers à avoir démontré, qu'on avait des primo-dépendants Subutex, des gens qui n'avaient jamais connu l'héroïne, qui commençaient par ce médicament-là, alors que ce médicament, il était là pour traiter les problématiques d'héroïne. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans la rue, c'est ça. C'est l'articulation des produits entre eux, avec quelques opiacés médicamenteux. Mais je vous rappelle que l'alcool est légal. J'avais cru remarquer. Voilà. Et que tous les médicaments qui sont pris dans la polyconsommation sont réglementés, mais surtout remboursés par la Sécurité sociale française. Donc tout ceci ne concerne pas des toxicomanes qui seraient hors la loi. Alors, un peu, parce qu'ils détournent un peu les médicaments. Mais on est loin de la politique pénale qu'on pourrait avoir sur les usagers d'héroïne à une autre époque. Les États-Unis continuent de traverser une très importante crise dite des opiacés avec formidables victimes. Or, vous écrivez, Guillaume Sudéry, de nouveaux grands bouleversements sont à prévoir. Est-ce que ce chapitre-là, par exemple, de la crise des opiacés, fait partie des chapitres tragiques à venir? Je pense que les États-Unis, ils ont eu un premier problème, ils payent un problème ancien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous prescrivez des opiacés agonistes purs, donc ils génèrent énormément de dépendance, comme de l'aspirine en Europe, à un moment donné, vous avez toute une classe de la population qui s'en empare, et qui devient dépendant, et quand vous serrez la vis, ils sont dépendants. Donc de fait, ils ont besoin de ce produit. La dépendance, c'est ça le problème. C'est que quand vous êtes usager ou un abus d'usage, vous pouvez arrêter du jour au lendemain, quoi, globalement. Vous pouvez prendre sur vous pour arrêter. Quand vous êtes dépendant, vous êtes dépendant, vous êtes malade. Et donc là, il faut... Et donc quand vous arrêtez de manière brusque la délivrance et l'offre, c'est ce que je vous parlais, dont je vous parlais tout à l'heure pour le cannabis. Quand vous stoppez une offre d'opiacés sur un territoire, les gens qui sont dépendants aux opiacés, ils en cherchent des opiacés parce qu'ils n'ont pas le choix. Le manque est terrible. Parler avec des fumeurs, le manque est terrible. Quand vous êtes en manque, c'est terrible. Et donc, de fait, il faut trouver des alternatives. Je pense que, en tout cas pour la situation française, mais je pense qu'en Europe, quand même, la régulation sur les opiacés a été beaucoup plus stricte, et heureusement. Et donc, on n'aura peut-être pas ce phénomène-là, mais on le surveille de très près, dans toutes les études. On surveille beaucoup certains produits, comme le fentanyl, qui pourrait générer des problématiques addictives importantes. Et là encore, le problème, c'est tant que ce sont des épisodes isolés de quelques initiés qui consomment, je ne veux pas dire qu'il faut leur foutre la paix, mais à la limite, ils savent à peu près ce qu'ils font. Pas la peine de grossir le phénomène. Voilà, c'est ça. Par contre, quand ces phénomènes-là se diffusent largement, on a des publics vulnérables qui peuvent rentrer dans des logiques de consommation très problématiques. Et c'est toujours pareil, plus un phénomène est diffus, plus il génère de problèmes. Je vous rappelle que le premier problème de mortalité en France concernant les produits, c'est le tabac. C'est 300 morts par jour. C'est un Airbus qui tombe tous les jours, en fait. Si un Airbus tombait tous les jours, on arrêterait les avions. Là, on n'arrête pas le tabac. Alors, quels autres bouleversements voyez-vous, si toutefois il est possible de les anticiper? C'est difficile de les anticiper, mais il y a des grandes questions qui se posent autour des produits stimulants, hallucinogènes, qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt dans des initiations de comportement inclusifs qu'exclusifs. Et donc, en fait, on pourrait avoir une société très addictogènes, et donc une réponse de cette société, de ces membres de cette société, où on consommerait beaucoup. Déjà, on est dans une société où on consomme beaucoup. Et Couteron, l'ancien président de la Fédération Addiction, développe ça. On voit bien qu'on est dans une société qui génère de l'addiction et que finalement, cette question addictive, on peut y répondre par des produits aujourd'hui qui nous permettent d'être inclus plus qu'exclus. Et finalement, on va perdre nos repères actuels sur qu'est-ce qui est du normal ou du pathologique ou de ce qui est bon pour les personnes ou ce qui les aliène, quoi. Parce que le problème avec les drogues, c'est pas qu'ils consomment, c'est que, enfin, si, pour la loi, tout ça, mais c'est surtout qu'ils ne soient pas aliénés par cette consommation. Guillaume Sudéry, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Avec plaisir. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthe, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.